بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, toujours dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, le cours numéro 5. Le cours numéro 5 dans l'explication du hadith de la division et les répliques aux ambiguïtés de M. Ismaël Mounir qui s'efforce à montrer que le hadith n'est pas acceptable. On a donc vu les répliques liées à son argumentation concernant la chaîne de transmission. On a vu que le hadith est authentique, que beaucoup des savants de hadith, la grande majorité des savants du hadith ont jugé le hadith authentique et rares sont ceux qui l'ont critiqué. On a vu que le hadith a été utilisé dans beaucoup de livres qui abordent la croyance musulmane et qu'il n'y a aucun problème à cela. Donc un petit rappel concernant le hadith. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les juifs se sont divisés en 71 groupes, 70 en enfer et un groupe au paradis. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, 71 en enfer et un au paradis. Et certes, ma communauté se divisera en 73 groupes, 72 en enfer et un au paradis. Les compagnons qui ont demandé quel est ce groupe, ô messager d'Allah, dans une narration, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, El Jama'a, donc le groupe sauvé, El Jama'a. Dans une autre narration, Mekene ala mithli ana wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi ainsi que mes compagnons, etc. Et donc ce hadith, on a déjà vu qu'il est authentique. Monsieur Ismaël Mounir, il nous dit dans sa vidéo que ce hadith, il s'oppose à plusieurs textes. Parmi ceux-ci, il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. On a abordé ce sujet hier. Deuxième verset qu'il cite, Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas. Et nous avons fait de vous une communauté juste. Wasata, c'est adlan, donc une communauté juste, une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins concernant les gens. Il dit donc ce hadith, il s'oppose à ce verset. On voit donc dans le hadith qu'il y a 72 groupes, ce sont des groupes de l'enfer, et un groupe donc du paradis. Comment se fait-il que la communauté va témoigner concernant les autres communautés alors qu'il y a dans cette communauté 72 groupes qui font partie des groupes du feu? Le hadith ne contredit pas non plus ce verset. Cette communauté a avec elle un élément qu'il n'y a pas dans les autres communautés, et c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cet élément-là, ou ces deux éléments-là, qui font que cette communauté témoigne concernant les autres communautés. Al-Bukhari a cité dans son Sahih, selon Abi Sa'idin Al-Khudri radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yaji'u Nuhun wa ummatuhu, fayakulullahu ta'ala hal ballert. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Nuh viendra avec sa communauté. Et Allah tabaraka wa ta'ala dira à Nuh, au jour de la résurrection, Hal ballert, est-ce que tu as transmis le message? Fayakulu na'am, Nuh qui répond oui. Na'am, ayyurab, oui, bien sûr, Seigneur, je l'ai fait. Fayakulu li ummatihi hal ballagakum. Alors Allah dira à la communauté de Nuh, est-ce qu'il vous a transmis le message? Ils diront là, ma ja'ana min nabi wa la nadhir. Non, aucun prophète ni aucun avertisseur n'est venu à nous. Aucun. Alfa sanatin illa khamsin. Ils vont dire non, personne n'est venu. Alors à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala dira à Nuh, « Man yashhadu lak ?» Qui atteste en ta faveur ? Qui atteste en ta faveur que tu as transmis le message ? Alors il dira, « Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa ummatuhu » Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté. Eux, ils vont attester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Fanashhadu annahu qad ballagh » Alors, à ce moment-là, on va témoigner que Nuh, il a transmis le message. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ceci est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, litakunu shuhada'a ala nas. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez, donc, afin que vous attestiez et que vous soyez témoins concernant les gens, concernant les autres communauté. Et donc, notre communauté, chers frères, elle n'a pas assisté. Qui d'entre nous était présent lorsque Nuh, il a transmis le message à son peuple? Indek, personne ne me dit moi. Donc, on n'a pas assisté à ça. Et comment se fait-il qu'on témoigne? Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous l'a informé. Allah, celui qui sait tout, Allah, le véridique, il nous l'a informé dans son livre. Et donc, cette communauté, elle va attester de cela en se basant sur le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le livre d'Allah qui reste dans la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe le fait qu'il y ait dans la communauté des personnes qui dévient ou pas, ce livre, il reste là. Et donc, ce hadith, le hadith de la division, ne contredit pas du tout ce verset qu'a cité monsieur Ismaïl Mounir. Et d'ailleurs, il y a plusieurs textes, ou alors même avant d'aborder ce sujet, il y a dans ce même verset qu'a cité monsieur Ismaïl Mounir, il y a le fait aussi que, attention, on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui va attester, qui va témoigner concernant cette communauté. On a déjà vu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, El Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Et donc oui, nous sommes dans la meilleure des communautés, mais cela ne veut pas dire que chacun d'entre nous est préservé du feu. Il faut qu'on fasse tous les efforts afin de nous préserver du feu. Et on a vu hier qu'à partir du moment où tu fais partie de la communauté musulmane, qu'à partir du moment où tu es monothéiste et que tu as cru en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager, effectivement, oui, tu vas au paradis. Mais cela ne veut pas dire que tu ne passeras pas par l'enfer avant. Et donc, il faut qu'on fasse les efforts afin de ne pas passer par l'enfer avant d'aller au paradis. Et celui qui comprend bien ce sujet comprend toutes les ambiguïtés qu'a citées. Donc, M. Ismaïl Mounir, voilà pourquoi aujourd'hui, on va pouvoir, bi'idhnillahi ta'ala, faire vite. Et le prophète, comme on a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il va témoigner concernant cette communauté, concernant le fait qu'il nous a transmis, lui aussi, le Coran, la Sunna, et qu'il nous a recommandé de nous accrocher à celle-ci. Fa'alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma Sunna. Taraktu fikum thaqalayn, je vous ai laissé deux poids, deux choses qui sont lourdes. Le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit tout de suite après le verset, il nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Et de cette façon, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous témoigniez concernant les gens et que le prophète témoigne vous concernant. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il témoigne vous concernant. Et donc, comme je l'ai dit aux chers frères, il y a plusieurs textes qui montrent que ce hadith, le hadith de la division, il est totalement, il n'y a pas de problème quant au sens de ce hadith. Parmi les autres textes qui approuvent cela, il y a la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Innahu man ya'ish minkum, fasayara ikhtilafan kithira. » Celui d'entre vous qui a une longue vie, verra beaucoup de divergences. Verra beaucoup de divergences. Et certes, c'est ce qu'on voit de nos propres yeux, chers frères. On le voit dans la communauté musulmane. Combien de fois je l'ai cité dans les cours où je dis Combien de voix différentes il y a dans la communauté musulmane. On peut même voir dans une seule mosquée plusieurs voix, plusieurs personnes qui adoptent des manhaj différents. Et donc oui, la division est arrivée. Est-ce que cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il approuve la division? Est-ce que cela veut dire qu'il l'approuve? Non. Il nous dit, celui d'entre vous qui aura une longue vie, il a dit aux compagnons, celui d'entre vous qui aura une longue vie, alors il verra beaucoup de divergences. Fa'alaykum bi sunnati. Alors accrochez-vous à ma sunna. Il a cité la maladie, il a cité le remède. Il a cité le remède. Accrochez-vous à ma sunna. Et donc le problème, il est là. La communauté musulmane se divise, c'est le problème. L'antidote, le fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté qui seront apparents et secourus sur la vérité. Et donc, si on médite bien sur ces deux hadiths, le premier hadith nous cite une grande divergence dans la communauté. Et le deuxième hadith nous cite un groupe sur la vérité. Un groupe sur la vérité. Encore une fois, cela va appuyer le hadith de la division et le fait qu'il n'y a aucun problème dans ce hadith. Monsieur Ismaël Mounir, il dit aussi dans son argumentation que le hadith n'est pas... Et là, préparez-vous. Ça, c'est vraiment... Lorsque je l'ai entendu, je me suis dit « Subhanallah al-Ali al-Azim ». Je ne m'y attendais vraiment pas. Il nous dit que le hadith... Donc, pour montrer que le hadith n'est pas acceptable, parmi ses arguments, il y a le fait que le hadith n'est ni dans Sahih al-Bukhari... ni dans Sahih Muslim. Le hadith n'est ni dans Sahih al-Bukhari et ni dans Sahih Muslim. Et donc, encore une fois, cette argumentation, c'est l'argumentation d'une personne qui ne connaît pas la science du hadith. Al-Nawawi, rahimahullah, il dit dans son livre, Al-Takrib wa Taysir, il dit, concernant al-Bukhari et Muslim, وَلَمْ يَسْتَوْعِبَ الصَّحِيحِ وَلَا الْتَزَمَهِ Al-Bukhari et Muslim, ils n'ont pas cité tous les hadiths authentiques. Et ils n'ont pas prétendu cela. Ils n'ont pas prétendu qu'ils citent dans leur livre tous les hadiths authentiques. Ibn Adi, il nous cite, il nous recense dans son livre Al-Kamil, qu'Al-Bukhari, rahimahullah, il dit... أحفظوا مئة ألف حديث صحيح. Al-Bukhari qui dit je mémorise 100 000 hadiths authentiques. Il dit Al-Bukhari je mémorise 100 000 hadiths authentiques. Combien de hadiths il y a dans Sahih Al-Bukhari? Ibn Hajar il nous dit rahimahullah, sans les répétitions, sans les hadiths qui se répètent, on a 2761 hadiths dans Sahih Al-Bukhari. On est loin des 100 000 ou pas? On est loin, on est très loin. Et donc Al-Bukhari n'a pas prétendu, n'a nullement prétendu qu'il a cité tout ce qui est authentique dans son livre et que ce qui n'est pas dans son livre n'est pas authentique. Il n'y a, les gens de science, les gens du hadith ne disent pas cela. L'imam muslim, même chose. Il nous dit l'imam muslim dans son livre, dans son sahih. Il nous dit « Laysa kullu shay'in 'indi sahih wa da'tuhu hauna » إِنَّمَا وَضَعْتُهَا هُنَا مَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ Il nous dit l'imam muslim dans son sahih, ce n'est pas tout ce qui est authentique pour moi, que j'ai cité ici, donc dans ce livre. Mais je n'ai cité ici que ce sur quoi ils sont unanimes. C'est-à-dire, comme ils disent les savants, « أَصَحُ الصَّحِيح » les hadiths les plus authentiques. Et donc Al-Bukhari et Muslim, ils nous ont cités dans leur recueil, selon eux, les hadiths les plus authentiques. Et ils n'ont pas prétendu qu'ils vont citer tous les hadiths les plus authentiques. Alors que dire du fait de prétendre qu'ils citent tous les hadiths authentiques? Et donc cette argumentation est une argumentation d'une personne qui n'a pas encore étudié ni Sahih Al-Bukhari, ni Sahih Muslim, et qui se permet d'aborder un sujet aussi lourd, la science du hadith, et de juger un hadith faible, alors que les savants du hadith l'ont accepté de génération en génération jusqu'à notre époque. Voilà pourquoi nous disons à ce monsieur de se corriger et de ne pas inventer des règles pour éloigner les gens d'un hadith authentique. Mais il y a pire que ça encore. Le comble. C'est que monsieur Ismaël Mounir, il continue. Il continue à nous citer des textes, après cela, qui, selon lui, sont en contradiction avec ce hadith. Avec le hadith de la division. Il nous cite un hadith Qudsi, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit à son prophète, « Nous allons te donner satisfaction quant à ta communauté. » Comment on répond à ça? Est-ce que le hadith de la division, il est en contradiction avec le fait que Allah tabaraka wa ta'ala va donner satisfaction au prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa communauté? Est-ce qu'il y a une contradiction ici? On a vu hier, je vous ai dit, à partir du moment où vous comprenez bien que les 73 groupes de cette communauté, ce sont 73 groupes qui font partie de la communauté musulmane et qui ont avec eux la base du tawhid. À partir de là, tous ces gens-là, ils vont au paradis. Le problème est, qui va passer par le feu avant d'aller au paradis? Et qui va aller directement au paradis? Voilà le problème. D'accord? Yarhamukallah. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de contradiction. Où la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala lui donne satisfaction quant à sa communauté. Le fait que toute personne qui atteste que la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, toutes ces personnes-là iront au paradis, bi'idnillahi ta'ala. Et donc, après cela, donc comme je vous ai dit, le comble, il continue l'argumentation et il nous cite un autre hadith. Quel est ce hadith? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma communauté est une communauté bénie. Et donc, il nous dit, regardez, le prophète, il a dit ça. Et donc, et ce hadith, le hadith de la division, il s'oppose à ce hadith. Et vous savez quel est le problème? C'est que ce hadith qu'il nous cite ici, « Ma communauté est une communauté bénie », il n'est ni dans Sahih al-Bukhari, ni dans Sahih Muslim. Et donc là, on a un problème. C'est qu'il critique le hadith de la division en nous disant qu'il n'est ni dans le Bukhari, ni dans Muslim, et qu'il s'oppose à certains textes, et parmi les textes cités, ce hadith qui n'est ni dans le Bukhari, ni dans Muslim. Et donc, en fait, quand ça nous arrange, on cite la règle, et quand ça ne nous arrange pas, mais Alish. C'est pas grave. Et donc, oh chers frères, barakallahu fikoum, tous ces cours-là qu'on a fait, ces cinq cours-là qu'on a fait, et le cours de demain encore, parce que demain encore, il y a un sujet qui montre encore le côté malhonnête dans l'argumentation de ce monsieur, tout cela, ça nous montre qu'on doit faire attention. Il faut qu'on arrête de prendre notre religion de YouTube comme ça. On ne connaît pas la personne, il a de belles vidéos. Mashallah, il est bien habillé, etc. Et on se dit, allez, bismillah, on prend. Non, tu ne sais pas tout ce que cette personne-là, elle te cache. Regardez le nombre de passages qu'on a vus dans son argumentation où il cache, où il ne cite pas ses contradictions avec les grands imams de la communauté musulmane. Et qu'il le met de côté, comme si de rien n'était. Et donc, on doit faire attention. Vous devez faire attention, chers frères, à préserver votre religion. Inna hadha al-ilma din. Certes, cette science est une religion, comme il nous dit Ibn Sirin, rahimahullah. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Alors, faites attention de qui vous prenez votre religion. Il utilise aussi le fait que la moitié des gens du paradis sont de cette communauté. Contradiction ou pas contradiction? Pas de contradiction. Pourquoi? Hein? Au final, les 73, au final, tout le monde va au paradis. Tous les musulmans, tous les mouahidines, tous ceux qui attestent que la ilaha illallah, que Mohammed est le messager d'Allah, ils vont au paradis. Il n'y a pas de contradiction. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sauf pour celui qui essaie de chercher et qui ne veut pas accepter la vérité. Ensuite, il y a dans son argumentation le fait que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne l'erreur et l'oubli de cette communauté. Allah pardonne l'erreur et l'oubli de cette communauté. Selon lui, ceci est en contradiction avec le hadith de la division. Et c'est ce qu'on appelle un hors-sujet. C'est ce qu'on appelle un hors-sujet. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas confondre entre une erreur, le fait de se tromper, un oubli et le fait de refuser la vérité après que celle-ci ait été mise en évidence. Et donc, il ne faut pas confondre les deux. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui sait tout, va tous nous juger. Celui qui sait pertinemment qui s'est trompé, qui est celui qui voulait la vérité, il la voulait, mais il s'est trompé. Et celui qui ne la voulait pas, la vérité. Il était accroché à son innovation, à son groupe, à son cheikh. Tu lui dis, quoi, le Rasulullah ? Non ! Mon cheikh, il a dit. Cette personne qui s'est entêtée. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, le juste, fait parfaitement la différence entre celui qui s'est trompé et celui qui s'est entêté et qui a refusé de suivre la vérité. Et voilà ce qui est voulu ici dans le hadith de la division de la communauté. D'ailleurs, parmi les savants qui ont expliqué cela, et alhamdoukallah, les savants qui ont expliqué cela, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il aborde le sujet, donc cette problématique, qui est qu'il y a beaucoup de groupes qui sont des groupes du feu. On a déjà vu que ce n'est pas parce qu'une personne fait partie d'un des groupes du feu que cette personne-là rentrera effectivement dans le feu. Attention, premier point, donc ça c'est important. Une personne fait partie d'un des groupes du feu, d'un des groupes égarés, mais il se peut que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à cette personne. D'accord ? Et donc ça c'est important. Deuxièmement, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il aborde cela, il nous montre un point essentiel, c'est que quand on regarde la communauté musulmane, il y a les gens de la masse et il y a les gens qui suivent donc une voie spécifique. Les gens de la masse et donc ceux qui n'ont pas forcément étudié, ceux qui ne suivent pas forcément une voie de façon spécifique. Mais qui suivent un peu le mouvement. Il se peut que ces gens-là, en suivant un peu le mouvement, ils tombent dans une ou deux ambiguïtés, ou plus. Ces gens-là ne sont pas dans les groupes. Ces gens-là, tu ne peux pas faire rentrer ces gens-là dans un des groupes égarés. Attention, tu ne peux pas dire un tel il est tablieri, un tel il est ci, un tel il est ça, sous prétexte que il n'a pas forcément étudié, etc. Oui, à force de ne pas étudier, à force de rester concentré sur la télévision, sur la PlayStation, sur les jeux, sur les matchs de football, sur le travail, sur l'argent, sur les femmes, à force de rester concentré sur tout ça, eh bien, tu n'arriveras pas à distinguer les groupes. Tu n'arriveras pas. Et donc, forcément, tu vas te faire toucher par certains groupes à droite ou à gauche, même si tu dis « moi, je ne suis pas dedans ». Tu dis, moi, je ne suis pas dedans. Mais ils se font toucher par certains groupes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont dans le groupe. Ils adhèrent au fondement de ce groupe. Et voilà pourquoi, cher, il nous dit, à partir de là, il apparaît clairement que la grande majorité de la communauté, ils sont dans cette partie-là, des gens de la masse. La grande majorité de la communauté. Est-ce que la grande majorité de la communauté musulmane, c'est des gens qui ont étudié, qui sont dans une voie spécifique, etc., etc., ou pas ? Non. Pour la grande majorité, c'est des gens, les gens de la masse, comme ils nous disent les savants. Et donc, il est important de bien comprendre ce sujet. Et ensuite, la dernière argumentation, ou du moins l'avant-dernière argumentation qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, il y a donc le hadith dans Sahihain, il l'utilise aussi, donc M. Ismaël Mounia, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui témoigne de la ilaha illallah de manière sincère ira au paradis. Et donc là, on a déjà répondu à cette ambiguïté plusieurs fois et il n'y a pas du tout de contradiction entre le hadith de la division et ce hadith qu'on trouve dans Sahihayn. Par contre, il y a un point qui est important. Il y a un point qui est important, c'est que, bon, déjà, premièrement, si M. Ismaël Mounir il était retourné aux explications des savants sur ce hadith, il ne l'aurait pas utilisé. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Al-Hafiz al-Nawawi, rahimahullah, dans son explication de Sahih Muslim, il nous cite le fait qu'il n'est pas voulu par là, par cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui prononce cette parole rentrera directement au paradis. Ça, ce sont deux choses différentes. Le fait de rentrer directement au paradis ou le fait de faire un passage par le feu avant, ce sont deux choses différentes. Et donc, cette parole, le fait que la personne assiste que « La ilaha illallah » de façon sincère, ça, c'est un élément, cette parole-là, permet à cette personne de rentrer au paradis. On est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un passage au feu avant ? Inch'Allah ta'ala. Une petite parenthèse que je n'avais pas notée ici, je voudrais le dire maintenant, c'est que, à partir de là, franchement, quand on lit ce hadith et qu'on y médite bien, on comprend clairement que la chose la plus importante qu'il y a dans cette religion, c'est quoi ? C'est le tawhid. Le fait d'affirmer la ilaha illallah, sincèrement, le fait de l'appliquer, le fait que tu meurs monothéiste, c'est ça la chose la plus importante. Le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et donc, à partir de là, moi, je ne comprends pas, moi, ces prédicateurs qui vont passer leur temps à enseigner la polygamie, acheter une maison à crédit, et patati, et patata, tous les sujets, en gros, qui vont attirer du monde. Taïb, tu es prédicateur. Ta responsabilité, c'est d'enseigner aux gens ce dont ils ont besoin. Pas ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et ce dont on a le plus besoin, c'est le tawhid. Monsieur Ismaël Mounir, apparemment, donc, il vient du Maghreb. Billahi alaykoum. Les frères, on n'a pas beaucoup de tombes qui sont adorées au Maghreb. Il faut donc qu'on enseigne aux gens ce sujet. Attention, ça c'est quelque chose qui fait sortir l'islam. Ça c'est quelque chose qui fait que tu restes éternellement dans le feu. Ils sont où les cours sur ce sujet ? Ils sont où ? Et donc, oh cher frère, la voix des prophètes, c'est le fait d'appeler les gens au tawhid. Voilà la voix des prophètes et de tous ceux qui ont suivi les prophètes. Voilà pourquoi le très savant Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il nous dit à partir du moment où tu vois un prédicateur qui ne s'efforce pas d'appeler les gens au tawhid, délaisse-le. Car il a délaissé la voix des prophètes. À chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite les anbiya et qu'il les a envoyés vers leur peuple, il les a envoyés pour dire quoi ? Qulu la ilaha illallah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Voilà la voix des prophètes. Et donc le prédicateur, il doit s'efforcer à cela. Enseigner aux gens le tawhid. Le fait de délaisser le polythéisme sous toutes ses formes, majeures, mineures, la sorcellerie et autres. C'est important. Dernière argumentation qu'on voit aujourd'hui, inshallah ta'ala, le hadith « Man kala halaka an-nas fahuwa ahlakuhum » Celui qui dit que les gens sont dans la perdition, alors celui-ci est celui d'entre eux qui est le plus dans la perdition. Et donc, cette parole, elle est interdite aux chers frères. Donc lui, il a cité cette parole en disant qu'elle est en contradiction avec le hadith de la division. Il n'y a aucune contradiction. Cette parole, elle est effectivement interdite. Il est interdit de dire cela, « Halak an-nas », les gens sont dans la perdition. Il est interdit donc de faire cette généralité. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a vu dans les autres hadiths, Allah tabaraka wa ta'ala laisse toujours un groupe de sa communauté sur la vérité. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi dhahirin. Il ne cessera d'avoir un groupe de ma communauté apparent et secouru sur la vérité. Et donc tu ne peux pas dire que les gens, de façon générale, sont dans la perdition. Tu ne peux pas le dire. Et à partir de là, il n'y a donc pas de contradiction entre les deux hadiths. Certains savants disent même que ce qui est voulu ici, c'est la perdition, c'est-à-dire que les gens sont dans le feu. Une personne qui est dans la perdition, c'est une personne qui est dans le feu. Certains savants nous disent que cette personne, lorsqu'elle dit « halak an-nas », les gens sont dans la perdition, cette personne, elle dit « tous ces gens-là, en fait, ils vont dans le feu ». Tous ces gens-là, ils vont dans le feu. Et ça, c'est totalement interdit, même quand on l'a cité dans l'explication du hadith de la division. On fait la distinction entre le groupe du feu et les personnes. Le groupe, c'est un groupe qui mène vers le feu. Mais Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à qui il veut parmi ses serviteurs. Il pardonne à qui il veut. Tu ne sais pas si Allah azza wa jal va pardonner à ces gens-là. Et donc tu ne peux pas dire ces gens-là, c'est des gens du feu. Et donc il faut faire attention. Et à partir de là, encore une fois, il n'y a pas de contradiction entre ces deux hadiths. Demain, bi'idhnillahi ta'ala, on abordera les derniers points de l'argumentation de M. Ismaël Mounir concernant le hadith de la division, inshallah ta'ala. Et on va essayer en même temps, même si on fait un peu long, on va essayer en même temps d'expliquer le hadith, parce qu'à la base, le sujet, c'est qu'on voulait expliquer le hadith. À la base, c'est ça, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on voulait expliquer le hadith, mais vu que donc il y a M. Ismaël Mounir qui a donc propagé cette vidéo qui montre énormément d'ambiguïté, qui peut perturber les jeunes et les vieux d'ailleurs, et leur faire croire que ce hadith n'existe pas, ce hadith est faux, et que c'est un égarement d'utiliser ce hadith. Alors, juste pour ça, on a fait tous ces cours pour éclaircir ce sujet, mais bi'iznillahi ta'ala, on va essayer donc demain de finir la réplique et l'explication du hadith. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.